Bah c'est le moment bio de l'émission, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, tu nous proposes la bio de qui? Alors en cette période de Noël où chacun y va de ses bons sentiments, j'ai décidé de casser l'ambiance en faisant le portrait d'une ordure. En l'occurrence, le Père Noël. Oh oui, le Père Noël est une ordure. Car ça fait maintenant 10 ans que je lui commande Sophie Marceau. Et 10 ans que je me retrouve avec à la place sous le sapin Martine Lebranchu, mon épouse. En peignoir et bigoudi, en train de passer l'aspirateur parce que le sapin ça laisse des épines sur le tapis du salon. Et qu'on aurait mieux fait d'écouter ma mère, la sienne, pas la mienne, qui elle a un sapin en plastique. Je précise qu'elle a aussi une hanche en plastique. Oh. Ma femme, pas sa mère. Alors. Oh. Alors Sophie Marceau aurait-elle peur de se salir en passant dans ma cheminée? Elle a pourtant été ramonée. Oh. Oh, ma cheminée, non, pas non. Sophie Marceau. Une cheminée qui, si j'ai bien compris, aurait été construite par un maçon portugais prénommé Jesus. L'histoire raconte que les travaux commencés en mai auraient dû se terminer en juin, mais que Jesus aurait pris du retard puisqu'il serait parti 2 mois en vacances dans sa famille au Portugal, qu'en rentrant il aurait été pris sur d'autres chantiers plus prioritaires, et que la cheminée aurait été finalement terminée le 24 décembre au soir, et que pour fêter ça, on aurait bu un bon coup. Et depuis, la tradition se perpétue tous les ans en laissant au pied du sapin le 24 décembre un verre de Porto qui invariablement se retrouve à être vide le lendemain matin. Alors, comment se passe Noël au Japon? Je vous rappelle que nous sommes sur Japan FM. Tout d'abord, ce n'est pas une fête très répandue pour la bonne et simple raison qu'on y trouve très peu de maçons portugais. Toutefois, cette période de l'année peut être associée à une tradition bien plus ancienne qui consiste à s'échanger des cadeaux entre personnes moins proches, par exemple entre collègues. Cette fête s'appelle Osebo, O-S-E-I-B-O, véridique. Je me suis documenté. Pour Noël, j'ai bûché mon Japon. Et c'est là qu'on reconnaît la légendaire politesse japonaise, puisqu'à chaque fois qu'on leur offre quelque chose, ils répondent « Oh, c'est beau !» tout le temps. Même quand il s'agit du coffret de Joséphine Ongargia en DBD, qui leur plaît pas. On voit pas très bien d'ailleurs à qui ça pourrait plaire. Mais il ne reste rien transparente, il reste zen. Mais cela trompe personne, tout le monde sait que là où il y a du zen, il n'y a pas de plaisir. Oh là là. Oh là là. Alors, pourquoi le Père Noël fait-il des cadeaux? N'aurait-il pas des choses à se reprocher? Ah bien, réfléchir, n'est-ce pas un peu étrange, voire inquiétant, de voir un vieux monsieur avec un grand manteau venir discrètement dans les maisons la nuit faire des cadeaux des petits-enfants? Eh ben non, tout le monde se laisse faire, c'est la joie de Noël, le 25 décembre, tout est permis, c'est la fête du slip. Attends, c'est quand même un type. Mais c'est possible. Attends, c'est quand même un type qui, tous les autres jours de l'année, vit avec des lutins. Et des lutins, par définition, eh ben ça se lutine. Et que dire des films tournés par le Père Noël? Puisque je vous rappelle que c'est une émission de cinéma. Je retiendrai qu'un au hasard, une parodie du célébrissime Le Père Noël est une ordure, qui s'appelle Le Père Noël en a une dure. Oh là là. Je l'ai regardé jusqu'au bout, et ben je peux vous dire que c'est très hot. Joli. Alors officiellement, le Père Noël habite en Finlande, le village de Rovaniemi, où il se passe les autres jours de l'année à fabriquer des cadeaux. Mais on nous ferait croire n'importe quoi. La vérité, c'est que le Père Noël est un odieux capitaliste qui fait fabriquer des iPhones dans des caves par des milliers de petits-enfants chinois. Oui, j'ai un iPhone. Attends, mais moi, c'est pas pareil, parce que moi, l'iPhone, on me l'a offert pour Noël. Merci. Merci à vous. Merci, Jean-Paul.